Il faut sauver sa peau, me diras-tu. C'est le chaos si l'on ne se met pas où il faut. Mais là, ce soir, si tu me fais confiance, un peu d'amour dans le silence, de tous côtés de toi, le bonheur sous le ciel. Faut le vouloir, peau contre peau. Vaut mieux t'il aimer que se détruire à petit feu. Si tu es là, c'est que tu y crois. Pas de promesses, profitez de l'instant, et le reste importe peu. Mais là, ce soir, comme il faut-il savoir, faut-il sauver sa peau sous les étoiles alignées comme il faut, se cacher sous les masques, se protéger, éviter cet instant de toute beauté. Là, contre toi, tu m'as manqué. Comme pendant des millions d'années, vas-tu m'éviter, te protéger, laisser passer l'amour que tu que faut-il dire, que faut-il faire? Est-ce que demain, est-ce le passé? Qu'est-ce qui nous tient? Tout s'enchaîne. Il faut sauver sa peau sous ses étoiles mal orientées. Un peu d'amour sous un ciel bleu. Reviens le soir. Que ferons-nous? Sauver leur peau? Et toi? Et moi? Tous oubliés? Ne reste plus que la fumée. Tout oublié, mal orienté, mal aligné. Tout s'est cassé, tout est gâché, et rien ne reste. Même la fumée, toi et moi, n'existe pas. Toi et moi. n'existe pas.